Ben, c'était un moment où ceux qui avaient l'habitude de se gager dans les fermes sont partis en ville, Ouais. évidemment, Ils ont quoi, hein. trouvé du travail Ils ont dans trouvé du les travail. usines, quoi. Oui, je me rappelle, les Gourvès, là, Roger Gourvès, il est parti sur Paris. Ah Donc là, oui. Ils sont voilà. partis sur Paris, Et bien sûr. oui, c'est ça. Et puis après, l'autre, faire. Comment ils s'appelaient celui-là, je ne me rappelle plus. Mais, enfin, ils sont tous partis, quoi. Bon, donc, on a remplacé. Mais après. Avec les machines, après, on n'avait plus besoin non plus d'employés, quoi. Hein, mais au début, là, c'est Yukos qu'on avait, je crois qu'il y avait un Ah bah Coréen et des des gens de Marocains. l'Est alors. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. c'était. Et l'autre, oh, je ne me rappelle plus son nom, mais enfin bref, ça n'a pas Et d'importance. après, il n'y a plus d'employés. Non, Non, non, vous non, non. êtes. Ah ben, si, après, on avait eu. Non. Ah si, on a eu les Leroy. Enfin, si, Un on a. couple. Non, deux frères. Deux frères. Deux frères, les Leroy de. Vous êtes Non, non, de non. Trois-Croix, là? Oui, à côté de Hein? Trois-Croix. Le Hein. petit, là, Oui, petit, là. Hervé Hervé, Leroy. oui, celui-là, il a fait 12 ans chez Ah nous. ouais. Ah oui, c'était un bon employé.